Mireille Kanyangi. Samedi 19 février, auditrice, auditeur de la radio Sanganiro, bonjour, voici les grands titres de cette édition. L'acquittement des prisonniers, mais qui croupissent toujours en prison, est l'une des préoccupations des élus du peuple. Ils se sont exprimés jeudi, alors que la Commission nationale des droits de l'homme, CNIDH, a présenté son rapport. L'école technique de Kivuruga en commune Provence et Kayanze est fonctionnelle depuis 5 ans, mais toujours sans électricité. Ouverture ce samedi du championnat de volleyball. 11 équipes vont y participer. Vous l'entendrez dans cette édition. Mise en onde par Albert Ndouayo. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le programme national de reconversion professionnelle des mandataires publics et politiques et des hauts cadres de l'État de 2021-2025 a été adopté par le Conseil des ministres tenu mercredi. Le porte-parole et secrétaire général du gouvernement burundais, Prosper Nahorwame, précise que ce programme vise la capitalisation des compétences et la contribution au développement du pays par la création de petites et moyennes entreprises afin de réduire le chômage des jeunes. Suivez-le dans cet extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres. Les statistiques montrent que 75% des mandataires politiques et autres fonctionnaires de l'État encore en âge d'activité à la fin de leur mandat préfèrent demander la réintégration à la fonction publique au lieu de trouver d'autres alternatives d'insertion par la création de leur propre projet. C'est pour cette raison que le ministère en charge de la fonction publique propose des programmes d'insertion par la reconversion socio-professionnelle pour toute personne qui veut entreprendre dans de nouveaux projets. Les modalités et les mécanismes de financement de ce programme en vue de la constitution d'un fonds d'appui à la reconversion pour appuyer les programmes et projets de reconversion et de création d'emplois seront définis. Il convient de souligner que le Conseil des ministres avait analysé ce dossier en date du 3 février 2021 et avait formulé des recommandations dans le sens de son enrichissement. Après échange et débat, le Conseil des ministres a constaté que les observations soulevées au moment de la première lecture ont été prises en compte et a adopté ce programme avec les recommandations suivantes. Sensibiliser les bénéficiaires sur l'intérêt de ce programme, faire suivre ce programme d'un cadre légal pour l'appuyer, changer les dispositions contenues dans certains textes en vigueur qui constitueraient des obstacles à la mise en œuvre de ce programme, notamment le statut général des fonctionnaires qui rend automatique la réintégration dans la fonction publique du fonctionnaire qui termine en mandat et qui donne le droit à un mandataire d'être intégré dans la fonction publique même s'il n'avait jamais été fonctionnaire de l'État. Afin d'accompagner ce programme à l'avenir, les dispositions en rapport avec les conditions d'âge à des fonctions électives sont à réviser pour revoir à la hausse l'âge requis afin que quelqu'un accède à ses fonctions en âge proche de l'âge de la retraite pour éviter ce genre de demande de réintégration. Prosper Nahorwame, porte-parole et secrétaire du général du gouvernement burundais. Page droits de l'homme. Les députés cherchent à comprendre pourquoi des prisonniers déjà acquittés restent toujours détenus dans des prisons, des fois contraints de payer de l'argent pour leur libération. Ce sont quelques-unes des interrogations relevées jeudi lors de la présentation du rapport annuel 2021 des activités réalisées par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Le ministère de la Justice est bel et bien l'organe disposé à éclairer l'opinion sur ces points, a répondu le président de la CNDH, Dr Sixte Vigny Nimuraba, le point avec Francine Ndehokubgayo. Les principales préoccupations des députés étaient surtout centrées sur le domaine de la justice. Après la présentation du résumé du rapport annuel des réalisations de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, édition 2021, beaucoup d'entre eux sont revenus sur la mesure de grâce présidentielle concernant les plus de 5000 détenus qui devaient en bénéficier. Les députés ont cherché à savoir pourquoi n'ont été libérés que moins de 3000. Réponse à cette question, le président de la CNIDH, Dr Sixte Vigny Nimuraba, a éclairé ses élus du peuple. La mise en application de la grâce présidentielle tient compte des critères variés. Ce ne sont pas tous les prisonniers qui devraient être relaxés. Parmi les bénéficiaires de la grâce présidentielle, il y a ceux qui sont libérés après avoir purgé leur peine. Il y en a d'autres dont on écourte leur peine. C'est-à-dire que ces chiffres qu'on a donnés représentent les prisonniers relaxés pour dire qu'il y a d'autres prisonniers qui ont eu une remise partielle de leur sanction. Il ne faut pas penser que ce sont les 5255 prisonniers qui devraient être libérés. Le décret est clair là-dessus. Au cours de cette séance de présentation du rapport annuel, il a été également demandé au président de la dite commission le rapport quand des prisonniers restent gardés alors qu'ils sont déjà acquittés. Il y a des gens qui s'adressent à la commission pour les laisser portés disparus et d'autres dont les droits ont été bafoués. Tenez, deux gens vous approchent et vos enquêtes prouvent que réellement les accusés ont été acquittés. Malheureusement, ils y croupissent toujours dans les prisons. Dans une situation pareille, monsieur le président de la CNUDH, les familles de ces gens sont-elles informées? Un détenu qui a déjà été acquitté ou qui a déjà purgé sa peine mais reste en prison et le procureur refuse de donner le billet d'élargissement. Des fois, ces billets sont vendus. Si on ne donne pas une certaine somme d'argent, le prisonnier ne sort pas. Il faut lutter contre cela, il faut faire des enquêtes, car si on demande la liste de ceux qui ont été acquittés, on peut les connaître ou ceux qui ne sont pas relaxés. Il faut demander pourquoi ces prisonniers ne sont pas libérés. Là, on peut connaître les procureurs qui détiennent leur dossier. C'est déplorable de vendre des billets d'élargissement. C'est honteux. À ces inquiétudes des députés, le président de la CNIDH a indiqué que la meilleure réponse viendrait du ministère de la Justice, car la commission, dans son rôle d'organe consultatif, n'a fourni au gouvernement et au Parlement que des recommandations et propositions concernant toutes les questions liées aux droits de l'homme. Francine Ndihokubgayo, encore d'une fillette, a été retrouvée le soir de ce vendredi au chef-lieu de la province Karoussi. Le corps a été découvert par des bergers près du bureau communal de l'enseignement de Wuhiga. Le corps était déjà en décomposition, comme le confirme la police. Et la famille de la défunte résidente au site des déplacés du chef-lieu de la province indique que la fille a disparu depuis vendredi de la semaine passée alors qu'elle revenait de l'école. L'enfant étudiait à l'école Karoussi 3 en première année. Et pour rappel, un autre cadavre d'une autre fille de 19 ans a été repêché il n'y a pas deux jours de la rivière Ndurumu, non loin du centre provincial de Karoussi. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro, rendons-nous en province Kayanza pour parler éducation. Le manque d'électricité, celui des machines ordinateurs, sont certains des défis auxquels fait face l'école technique de Kivuruga en commune Gatara de cette province de Kayanza. Domitien Gendabanyikwa, directeur de l'école, indique que cela impacte négativement le rendement scolaire au niveau de l'administration communale à Gatara. Loin d'être au courant de cette situation, Sylvane Gakuyano, administrateur communal, promet d'y trouver une issue favorable. Le point avec Patrick Nsengiyumva. L'école technique Kivuruga est fonctionnaire depuis déjà plus de 5 ans, comme le confirme le directeur d'école. Domitien Gendabanyikwa fait savoir que l'école est faite par une section dite banque assurance, avec plus de 200 élèves. Depuis qu'elle a ouvert ses portes, l'école n'a jamais été électrifiée, ce qui fait que certains cours sont donnés seulement en théorie, et la pratique n'étant pas possible, déplore Domitien Gendabanyikwa, directeur d'école. Cela, selon lui, est à l'origine du mauvais rendement scolaire qu'enregistre souvent l'école. Certains des enseignants qui prestaient à cette école et contactés à ce propos nous ont fait savoir qu'ils trouvent beaucoup de difficultés à dispenser des leçons dans certains cours sans ordinateur ni électricité, ce qui d'après eux impacte négativement sur leur rendement scolaire. Interrogé à ce sujet le directeur d'école, il nous a précisé que souvent, les élèves sont obligés de fréquenter des cyber ou d'autres lieux où ils puissent trouver des machines ordinateurs et apprendre là-bas à manipuler cet outil informatique. Domitien Gendabanyikwa regrette également que les conséquences du manque de ces outils se font remarquer également quand les élèves de la troisième année commencent leur stage à la banque. La situation se présente ainsi au moment où, selon le directeur des corps techniques de Kivuruga, même des machines et ordinateurs qu'Elko avait reçus comme don de la part de l'un des natifs de la commune Gatara ont été tous volés ces derniers jours. Et ce directeur des corps techniques de Kivuruga et les enseignants à cette même école, de même que le directeur de l'éducation au niveau de la commune et celui de la province, tous demandent à toute âme charitable d'intervenir pour l'électrification et l'approvisionnement en machines et ordinateurs de l'école technique de Kivuruga. Gakuyano Sylvane, administratrice communale Gatara, promet trouver à ces problèmes une solution favorable dans un proche avenir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. De la province Kayanza au nord du Burundi, rendons-nous en province Cankuzo, c'est à l'est du pays, où une quinzaine de chèvres parmi celles distribuées par les intervenants dans le secteur d'élevage ont été vendues par les premiers bénéficiaires en commune Kigamba. Et ceci a bloqué la chaîne de solidarité en 2021 au cours de l'année 2022. Ces intervenants réunis avec l'administration mercredi ont proposé que le bénéficiaire du cheptel signe un contrat avec l'administration. Le représentant du secteur élevage et le donateur. L'appel a également été lancé au chef de colline afin de suivre de près la chaîne de solidarité. Le pont avec Raymond Moudende depuis Cankuzo. Ces 15 chèvres vendues, comme cela a été dit, au cours d'une réunion des intervenants en province de Cankuzo avec l'administration, avaient été données sous forme d'appui au secteur d'élevage si les collines Kibungo et Shinge en commune Kigamba de la province Cankuzo. Cet appui en cheptel est donné dans le cadre d'une chaîne de solidarité où 4 à 5 chèvres sont données à 20 bénéficiaires et la chaîne de solidarité continue sur toute la colline. Dans cette réunion, les défis révélés par ces intervenants est que si le cheptel donné est vendu par le premier bénéficiaire, la chaîne de solidarité s'arrête immédiatement. Ici, les chefs de colline ont été pointés du doigt de ne pas suivre de près les données pour signaler à temps ces défis. Sirso, l'administrateur de la commune Kigamba, Nibogora Anita, a dit que le rapport de vente de ses chèvres ne lui est pas parvenu. Et comme il l'a signalé, l'heure est de faire des enquêtes pour chercher ceux qui ont vendu les chèvres données afin de les remettre. Au cours de cette année 2022, les participants à la réunion de ce mercredi se sont convenus de mettre sur pied un contrat qui lie l'administration, le bénéficiaire du bétail, le représentant du secteur d'élevage et le partenaire. Ce contrat précise que celui ou celle qui va vendre en dos de cheptel donné devra le restituer. Il sera tout de suite mis sur la liste noire. L'appel a été lancé au chef de colline pour bien dresser les prochaines listes de bénéficiaires pour que les dons soient donnés comme véritables ayant droit. Depuis Cankuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. De Cankuzo, rendons-nous en province Bubanza, c'est à l'ouest du pays, pour parler de la malnutrition chronique qui est en retard de croissance, menaçant beaucoup d'enfants dans le pays avec une moyenne oscillant autour de 50% et la malnutrition aiguë à 5%. Ceci a été dit par le docteur Sibomana Célestin, coordinateur national de la nutrition et de la sécurité alimentaire au sein de la plateforme de sécurité alimentaire. Actuellement, les projets et tous les intervenants vont se compléter et se coordonner afin de combattre et éradiquer ces maladies. A-t-il ajouté, c'était vendredi à Bubanza lors d'une réunion de mise en place technique des plateformes provinciales et communales. 11 équipes membres de l'association de volleyball amateur de Bujumbura Avab s'affrontent ce samedi dans le tournoi d'ouverture du championnat national édition 2022. Ezekiel Yarahunze, président de l'Avab, fait savoir que les travaux de construction d'un terrain moderne vont démarrer bientôt. Il demande aux bienfaiteurs de continuer à soutenir ce projet. On l'écoute au micro de Jean-Marie Vianney Gendakouman. Nous avons pensé à organiser cet événement dans le cadre de renforcer les entraînements des joueurs, dans le cadre d'élever et booster les compétences des entraîneurs, les compétences des arbitres et surtout pour appeler tous les amateurs et acteurs du volleyball en particulier à l'association de volleyball amateur de Jumbula pour que tout le monde soit au courant que le championnat de volleyball édition 2021-2022 soit commencé juste dès maintenant et la semaine prochaine aussi on va débuter le championnat pour tout le monde. Et combien des équipes qui se sont présentées pour ce tournoi? Dans l'association de volleyball amateur de Jumbula, nous avons 6 équipes pour le côté hommes et 5 équipes pour les dames. Quel sera le sort des équipes qui seront classées premières? Les équipes qui seront classées premières seront primées, comme on l'a fait dans les années passées. Et même les joueurs qui se qualifient dans cette compétition, ils ont quand même des prises individuelles. C'est le tournoi qui est organisé au moment où il y a un projet de construire un terrain fermé au terrain de département. Quel est l'état de lieu de ce projet? Cette question concerne tout le monde. Ce n'est pas la Fédération burundaise de volleyball, ce n'est pas la Fédération de basketball, mais tout Burundais et tout un être humain qui est animé dans l'esprit inclusif, dans l'esprit sportif, doit participer pour que le projet soit vraiment réalisé à bonne forme. Et les travaux proprement dits vont commencer. Et quel appel est aux amateurs de volleyball en général? Pour les amateurs de volleyball, je vous invite à tenir le volleyball à l'association de volleyball amateur de Jumbula et les acteurs aussi du jeu de volleyball et que tout le monde nous soutienne. Même, il y a des sociétés quand même qui sont ici pour quand même nous soutenir. Nous invitons aussi les particuliers qui vont nous soutenir quand même dans ce championnat pour que demain ou le lendemain, on va avoir une équipe nationale vraiment qui est forte. Ezekiel Yarankunze, président de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, Avabe. Voilà, 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais permettez de vous rappeler que l'acquittement des prisonniers, mais croupissant toujours en prison, est l'une des préoccupations des élus du peuple. Ils se sont exprimés jeudi lorsque la CNIDH présentait son rapport annuel de 2021. Et l'école technique de Kivuruga en commune Provence Kayanza est fonctionnelle depuis 5 ans, mais toujours sans électricité. L'administrateur communal promet de trouver solution d'ici peu de temps. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition de ce samedi 19 février. Merci également à Albert Andouaille qui assurait la mise en onde tout de suite après cette édition. Vous suivez la revue de presse avec Jean Bosco Nduwimana et Francine Dehoukoubgaïo. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Des fruits pourris, c'est suite à l'absence de marché d'écoulement, constate le journal Iwachu. En effet, rapporte son confrère, de grandes quantités de fruits manquent de marché d'écoulement, surtout au niveau des communes de Rugombo, Buganda et Mugina de la province de Cibitoke. Ces agrumes, pourtant réputés pour leur bonne qualité, ne trouvent pas de preneurs ces derniers temps. Un grand commerçant de mangue rencontré au chef-lieu de la province dit qu'une grande quantité allait directement vers le Rwanda. Les commerçants et les agriculteurs demandent au gouvernement d'accélérer le processus de réouverture des frontières, comme l'indique avec insistance une femme commerçante qui faisait des navettes entre la région ouest de Cibitoke, Burundi, la RD Congo et le Rwanda. Le commerce transfrontalier procure des avantages à la fois économiques et sociaux aux habitants des trois pays. Comme solution intermédiaire, poursuit cet hebdomadaire, un agriculteur demande aux autorités de mettre sur pied des unités locales de transformation pour éviter que les fruits continuent à pourrir. Un accord de confirmation entre les syndicats et le ministère de l'Éducation écrit la voix de l'enseignant qui rapporte que le test de niveau aura bel et bien lieu. Cela ressort de l'accord passé entre la COSESONA, Coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale et la défense des droits socio-professionnels, et le ministère de l'Éducation nationale, sous la médiation du CNDS, le Comité national de dialogue social. Pour le groupe de presse Iwachu, il s'agit d'un miracle de la Saint-Valentin entre le gouvernement et la COSESONA. Une coïncidence heureuse, puisque l'accord est intervenu lundi 14 février, la Saint-Valentin fait des amoureux. L'accord mentionne que le test à organiser, anciennement appelé test de niveau, est un test d'évaluation des performances. Il s'agit d'un jeu de mots qui n'apporte pas de plus-value chez l'enseignant, regrette un représentant syndical à la base dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation. La voix de l'enseignant rappelle les trois principales revendications que cette coalition avait adressées via un mémorandum au ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique et à celui de la fonction publique, du travail et de l'emploi le 6 janvier 2022. La COSESONA menaçait d'entamer un mouvement de grève et contester la mesure d'organiser un test de niveau à l'endroit des enseignants des trois premiers cycles, l'organisation des examens en réseau scolaire. Il dénonçait aussi la cherté de la vie et la politique salariale. Revue de la presse. Le monde s'effondre, écrit Net Press, reprenant le titre du roman de l'écrivain nigérian Chinua Achebe, en chef de colline Munyika 1, dans la commune de Lugombo. David Bigirimana est détenu depuis le 10 février dans le cachot de la commune pour des raisons d'escroquerie. En effet, détaille ce journal en ligne, une quinzaine de personnes l'ont accusé de leur avoir soutiré de l'argent, promettant des aides diverses comme l'emploi aux jeunes chômeurs, des tôles, du ciment, etc. C'était lors d'une réunion de sécurité avec le gouverneur de cette province, Karem Wizoza. Selon ce confrère, c'est le troisième chef collinaire qui est détenu dans cette commune pour les mêmes errements. Une opinion inspirée par le roman de l'écrivain nigérian Chinua Achebe trouve que le monde s'effondre car dans le temps, il était impensable qu'un responsable à quelque niveau que ce soit s'arroge le droit de piller ses administrés. Football féminin, le Burundi douche Djibouti sur un score de 6-1, titre Burundi Echo. Dans un match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, côté féminin, le Burundi s'est largement imposé ce mercredi 16 février face à Djibouti sur un score de 6-1. Le match s'est déroulé au stade Lukundo de la province de Ngozi. Pour son confrère, cette victoire écrasante donne de fortes chances aux Hirondelles du Burundi de participer pour la première fois de leur histoire à la phase finale de la CAN féminine. En cas de victoire au match retour prévu le 21 février au même stade, les Burundaises participeront à la grande compétition féminine du continent. La CAN 2022 féminine est prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Pour la première fois, 12 équipes y participeront contre 8 auparavant, souligne cet hebdomadaire socio-économique. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndokubgayo et Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.